Ceci est une lecture de Christiane Johann pour audiocité.net. Ceci est un enregistrement sous licence CC BY NC ND 2.0 FR. Les Martyrs de François-René de Chateaubriand. Livre sixième. Sommaire. Suite du récit. Marche de l'armée romaine en Batavie. Elle rencontre l'armée des Francs. Champ de bataille. Ordre de dénombrement de l'armée romaine. Ordre et dénombrement de l'armée des Francs. Pharamon, Clodion, Mérovée. Champ guerrier. Bardite des Francs. L'action s'engage. Attaque des Gaulois contre les Francs. Combat de cavalerie. Combat singulier de Vercingétorix, chef des Gaulois, et de Mérovée, fils du roi des Francs. Vercingétorix est vaincu. Les Romains plient. La légion chrétienne descend d'une colline et rétablit le combat. Mêlée. Les Francs se retirent dans leur camp. Eudore obtient la couronne civique et est nommé chef des Grecs par Constance. Le combat recommence au lever du jour. Attaque du camp des Francs par les Romains. Soulèvement des flots. Les Romains fuient devant la mer. Eudore, après avoir combattu longtemps, tombe percé de plusieurs coups. Il est secouru par un esclave des Francs qui le porte dans une caverne. La France est une contrée sauvage et couverte de forêts qui commence au-delà du Rhin et occupe l'espace compris entre la Batavie à l'occident, le pays des Scandinaves au nord, la Germanie à l'orient et les Gaules au midi. Les peuples qui habitent ce désert sont les plus féroces des barbares. Ils ne se nourrissent que de la chair des bêtes sauvages. Ils ont toujours le fer à la main. Ils regardent la paix comme la servitude la plus dure dont on puisse leur imposer le joug. Les vents, la neige, les frimas font leurs délices. Ils bravent la mer, ils se rient des tempêtes. Et l'on dirait qu'ils ont vu le fond de l'océan à découvert, tant ils connaissent et méprisent ces écueils. Cette nation inquiète ne cesse de désoler les frontières de l'Empire. Ce fut sous le règne de Gordien le Pieux qu'elle se montra pour la première fois aux Gaules, épouvantée. Les deux Décius périrent dans une expédition contre elle. Probus, qui ne fit que la repousser, en prit le titre glorieux de Francique. Elle apparut à la fois si noble et si redoutable qu'on a fait, en sa faveur, une exception à la loi qui défend à la famille impériale de s'allier au sang des barbares. Enfin, ces terribles Francs venaient de s'emparer de l'île de Batavie et Constance avait rassemblé son armée afin de les chasser de leur conquête. Après quelques jours de marche, nous entrâmes sur le sol marécageux des Bataves, qui n'est qu'une mince écorce de terre flottant sur un amas d'eau. Le pays, coupé par les bras du Rhin, baigné et souvent inondé par l'océan, embarrassé par des forêts de pins et de bouleaux, nous présentait à chaque pas des difficultés insurmontables. Épuisé par les travaux de la journée, je n'avais durant la nuit que quelques heures pour délasser mes membres fatigués. Souvent, il m'arrivait, pendant ce court repos, d'oublier ma nouvelle fortune. Et, lorsque, aux premières blancheurs de l'aube, les trompettes du camp venaient à sonner l'air de Diane, j'étais étonné d'ouvrir les yeux au milieu des bois. Il y avait pourtant un charme à ce réveil du guerrier échappé au péril de la nuit. Je n'ai jamais entendu, sans une certaine joie belliqueuse, la fanfare du clairon répétée par l'écho des rochers et les premiers hennissements des chevaux qui saluaient l'aurore. J'aimais à voir le camp plongé dans le sommeil, les tentes encore fermées, d'où sortaient quelques soldats à moitié vêtus, le centurion qui se promenait devant les faisceaux d'armes en balançant son cep de vigne, la sentinelle immobile qui, pour résister au sommeil, tenait un doigt levé dans l'attitude du silence, le cavalier qui traversait le fleuve coloré des feux du matin, le victimaire qui puisait l'eau du sacrifice, et souvent un berger, appuyé sur sa houlette, qui regardait boire son troupeau. Cette vie des camps ne me fit point tourner les yeux avec regret vers les délices de Naples et de Rome, mais elle réveilla en moi une autre espèce de souvenir. Plusieurs fois, pendant les longues nuits de l'automne, je me suis trouvé seul, placé en sentinelle, comme un simple soldat aux avant-postes de l'armée. Tandis que je contemplais les feux réguliers des lignes romaines et les faisais part des hordes des Francs, tandis que, l'arc à demi tendu, je prêtais l'oreille au murmure de l'armée ennemie, au bruit de la mer et aux cris des oiseaux sauvages qui volaient dans l'obscurité, je réfléchissais sur ma bizarre destinée. Je songeais que j'étais là, combattant pour des barbares, tyrans de la Grèce, contre d'autres barbares dont je n'avais reçu aucune injure. L'amour de la patrie se ranimait au fond de mon cœur, l'Arcadie se montrait à moi dans tous ses charmes. Que de fois, dans les marches pénibles, sous les pluies et dans les fanges de la Batavie, que de fois, à l'abri des huttes des bergers où nous passions la nuit, que de fois, autour du feu que nous allumions pour nos veilles à la tête du camp, que de fois, dis-je, avec de jeunes Grecs exilés comme moi, je me suis entretenu de notre cher pays. Nous racontions les jeux de notre enfance, les aventures de notre jeunesse, les histoires de nos familles. Les Francs avaient été surpris par Constance. Ils évitèrent d'abord le combat, mais aussitôt qu'ils eurent rassemblé leurs guerriers, ils vinrent audacieusement au-devant de nous et nous offrirent la bataille sur le rivage de la mer. On passa la nuit à se préparer de part et d'autre, et le lendemain, au lever du jour, les armées se trouvèrent en présence. La Légion de fer et la Foudroyante occupaient le centre de l'armée de Constance. Des intervalles ménagés dans la ligne des légions étaient remplis par des machines de guerre. À l'aile gauche de ces légions, la cavalerie des alliés déployait son rideau mobile. Sur des coursiers tachetés comme des tigres et prompts comme des aigles, se balançaient avec grâce des cavaliers de Numance, de Sagonte et des bords enchantés du Bétis. Un léger chapeau de plumes ombrageait leur front. Un manteau de laine noire flottait sur leurs épaules. Une épée recourbée retentissait à leur côté. La tête penchée sur le cou de leurs chevaux, les rênes entre les dents, deux courts javelots à la main, ils volaient à l'ennemi. Le jeune Viriathe entraînait après lui la fureur de ses cavaliers rapides. À l'aile opposée de l'armée se tenait immobile la troupe superbe des chevaliers romains. Leur casque était d'argent, surmonté d'une louve de vermeil. Leur cuirasse étincelait d'or et un large baudrier d'azur suspendait à leur flanc une lourde épée ibérienne. Sous leurs selles ornées d'ivoire s'étendait une housse de pourpre, et leurs mains, couvertes de gantelets, tenaient les rênes de soie qui leur servaient à guider de hautes cavales, plus noires que la nuit. Les archers crétois, les vélites romains et les différents corps des Gaulois étaient répandus sur le front de l'armée. L'instinct de la guerre est si naturel chez ces derniers que souvent, dans la mêlée, les soldats deviennent des généraux, rallient leurs compagnons dispersés, ouvrent un avis salutaire, indiquent le poste qu'il faut prendre. Rien n'égale l'impétuosité de leurs attaques. Tandis que le germain délibère, ils ont franchi les torrents et les monts. Vous les croyez au pied de la citadelle, ils sont au haut du retranchement emporté. En vain, les cavaliers les plus légers voudraient les devancer à la charge. Les Gaulois rient de leurs efforts, voltigent à la tête des chevaux, et semblent leur dire « Vous saisiriez plutôt les vents sur la plaine ou les oiseaux dans les airs. » Tous ces barbares avaient la tête élevée, les couleurs vives, les yeux bleus, le regard farouche et menaçant. Ils portaient de larges braies, et leurs tuniques étaient chamarrées de morceaux de pourpre. Un ceinturon de cuir pressait à leur côté leur fidèle épée. L'épée du Gaulois ne le quitte jamais. Mariée, pour ainsi dire, à son maître, elle l'accompagne pendant la vie, elle le suit sur le bûcher funèbre, et descend avec lui au tombeau. Enfin, arrêtée comme un nuage menaçant sur le penchant d'une colline, une légion chrétienne, surnommée la Pudique, formait derrière l'armée le corps de réserve et la garde de César. Elle remplaçait auprès de Constance la légion thébaine égorgée par Maximien. Victor, illustre guerrier de Marseille, conduisait au combat les milices de cette religion, qui portent aussi noblement la casaque du vétéran que le cilice de l'anachorète. Cependant, l'œil était frappé d'un mouvement universel. On voyait les signaux du porte-étendard qui plantait le jalon des lignes, la course impétueuse du cavalier, les ondulations des soldats qui se nivelaient sous le cep du centurion. On entendait de toutes parts les grêles hennissements des coursiers, le cliquetis des chaînes, les sourds roulements des balistes et des catapultes, les pas réguliers de l'infanterie, la voix des chefs qui répétaient l'ordre, le bruit des piques qui s'élevaient et s'abaissaient au commandement des tribuns. Les Romains se formaient en bataille aux éclats de la trompette, de la corne et du lituus. Et nous, Crétois, fidèles à la Grèce, au milieu de ces peuples barbares, nous prenions nos rangs au son de la lyre. Mais tout l'appareil de l'armée romaine ne servait qu'à rendre l'armée des ennemis plus formidable, par le contraste d'une sauvage simplicité. Parés de la dépouille des ours, des veaux marins, des urocs et des sangliers, les Francs se montraient de loin comme un troupeau de bêtes féroces. Une tunique courte et serrée laissait voir toute la hauteur de leur taille et ne leur cachait pas le genou. Les yeux de ces barbares ont la couleur d'une mer orageuse. Leur chevelure blonde, ramenée en avant sur leur poitrine, est teinte d'une liqueur rouge et semblable à du sang et à du feu. La plupart ne laissent croître leur barbe qu'au-dessus de la bouche, afin de donner à leurs lèvres plus de ressemblance avec le mufle des dogues et des loups. Les uns chargent leur main droite d'une longue framée et leur main gauche d'un bouclier qu'ils tournent comme une roue rapide. D'autres, au lieu de ce bouclier, tiennent une espèce de javelot, nommé angon, où s'enfoncent deux fers recourbés. Mais tous ont à la ceinture la redoutable francisque, espèce de hache à deux tranchants, dont le manche est recouvert d'un dur acier. Arme funeste que le franc jette en poussant un cri de mort, et qui manque rarement de frapper le but qu'un œil intrépide a marqué. Ces barbares, fidèles aux usages des anciens germains, s'étaient formés en coin, leur ordre accoutumé de bataille. Le formidable triangle, où l'on ne distinguait qu'une forêt de framées, de peaux de bêtes et des cordes minues, s'avançait avec impétuosité, mais d'un mouvement égal pour percer la ligne romaine. À la pointe de ce triangle étaient placés des braves qui conservaient une barbe longue et hérissée et qui portaient au bras un anneau de fer. Ils avaient juré de ne quitter ces marques de servitude qu'après avoir sacrifié un Romain. Chaque chef, dans ce vaste corps, était environné des guerriers de sa famille, afin que, plus ferme dans le choc, il remportât la victoire ou mourût avec ses amis. Chaque tribu se ralliait sous un symbole. La plus noble d'entre elles se distinguait par des abeilles ou trois fers de lance. Le vieux roi des Sicambres, Pharamon, conduisait l'armée entière et laissait une partie du commandement à son petit-fils, Mérové. Les cavaliers francs, en face de la cavalerie romaine, couvraient les deux côtés de leur infanterie. À leurs casques, en forme de gueules ouvertes ombragées de deux ailes de vautour, à leurs corselets de fer, à leurs boucliers blancs, on les eût pris pour des fantômes, ou pour ces figures bizarres que l'on aperçoit au milieu des nuages pendant une tempête. Clodion, fils de Pharamon et père de Mérové, brillait à la tête de ces cavaliers menaçants. Sur une grève derrière cet essaim d'ennemis, on apercevait leur camp, semblable à un marché de laboureurs et de pêcheurs. Il était rempli de femmes et d'enfants, et retranché avec des bateaux de cuir et des chariots attelés de grands bœufs. Non loin de ce camp champêtre, trois sorcières en lambeaux faisaient sortir de jeunes poulains d'un bois sacré, afin de découvrir par leur course à quelle partie Tuiston promettait la victoire. La mer d'un côté, des forêts de l'autre, formait le cadre de ce grand tableau. Le soleil du matin, s'échappant des replis d'un nuage d'or, verse tout à coup sa lumière sur les bois, l'océan et les armées. La terre paraît embrasée du feu des casques et des lances. Les instruments guerriers sonnent l'air antique de Jules César partant pour les Gaules. La rage s'empare de tous les cœurs, les yeux roulent du sang, la main frémit sur l'épée. Les chevaux se cabrent, creusent l'arène, secouent leurs crinières, frappent de leur bouche écumante leur poitrine enflammée, ou lèvent vers le ciel leurs naseaux brûlants pour respirer les sons belliqueux. Les Romains commencent le chant de Probus. Quand nous aurons vaincu 1000 guerriers francs, combien ne vaincrons-nous pas de millions de Perses ? Les Grecs répètent en chœur le Péan et les Gaulois l'hymne des druides. Les Francs répondent à ces cantiques de mort. Ils serrent leurs boucliers contre leurs bouches et font entendre un mugissement semblable au bruit de la mer que le vent brise contre un rocher. Puis tout à coup, poussant un cri aigu, ils entonnent le bardite à la louange de leur héros. « Pharamon, Pharamon, nous avons combattu avec l'épée. Nous avons lancé la Francisque à deux tranchants. La sueur tombait du front des guerriers et ruisselait le long de leurs bras. Les aigles et les oiseaux aux pieds jaunes poussaient des cris de joie. Le corbeau nageait dans le sang des morts. Tout l'océan n'était qu'une plaie. Les vierges en pleuraient longtemps. Pharamon, Pharamon, nous avons combattu avec l'épée. Nos pères sont morts dans les batailles. Tous les vautours en ont gémi. Nos pères les rassasiaient de carnage. Choisissons des épouses dont le lait soit du sang et qui remplissent de valeur le cœur de nos fils. Pharamon, le bardite est achevé. Les heures de la vie s'écoulent. Nous sourirons quand il faudra mourir. Ainsi chantaient 40 000 barbares. Leurs cavaliers haussaient et baissaient leurs boucliers blancs en cadence. Et à chaque refrain, ils frappaient du fer d'un javelot leur poitrine couverte de fer. Déjà, les Francs sont à la portée du trait de nos troupes légères. Les deux armées s'arrêtent. Il se fait un profond silence. César, du milieu de la légion chrétienne, ordonne d'élever la cotte d'armes de pourpre, signal du combat. Les archers tendent leurs arcs, les fantassins baissent leurs piques, les cavaliers tirent tous à la fois leurs épées dont les éclairs se croisent dans les airs. Un cri s'élève du fond des légions. « Victoire à l'empereur !» Les barbares repoussent ce cri par un affreux mugissement. La foudre éclate avec moins de rage sur les sommets de l'Apennin. L'Etna gronde avec moins de violence lorsqu'il verse au sein des mers des torrents de feu. L'océan bat ses rivages avec moins de fracas quand un tourbillon, descendu par l'ordre de l'Éternel, a déchaîné les cataractes de l'abîme. Les Gaulois lancent les premiers leurs javelots contre les Francs, mettent l'épée à la main et courent à l'ennemi. L'ennemi les reçoit avec intrépidité. Trois fois, ils retournent à la charge. Trois fois, ils viennent se briser contre le vaste corps qui les repousse. Tel un grand vaisseau, voguant par un vent contraire, rejette de ses deux bords les vagues qui fuient et murmurent le long de ses flancs. Non moins braves et plus habiles que les Gaulois, les Grecs font pleuvoir sur les sicambres une grêle de flèches. Et, reculant peu à peu, sans rompre nos rangs, nous fatiguons les deux lignes du triangle de l'ennemi. Comme un taureau vainqueur dans 100 pâturages, fier de sa corne mutilée et des cicatrices de sa large poitrine, supporte avec impatience la piqûre du temps sous les ardeurs du midi, ainsi les Francs, percés de nos dards, deviennent furieux à ces blessures sans vengeance et sans gloire. Transportés d'une aveugle rage, ils brisent le trait dans leur sein, se roulent par terre et se débattent dans les angoisses de la douleur. La cavalerie romaine s'ébranle pour enfoncer les barbares. Clodion se précipite à sa rencontre. Le roi chevelu pressait une cavale stérile, moitié blanche, moitié noire, élevée parmi des troupeaux de rennes et de chevreuils, dans les haras de Pharamon. Les barbares prétendaient qu'elle était de la race de Rhinfax, cheval de la nuit, à la crinière gelée, et de Skinfax, cheval du jour, à la crinière lumineuse. Lorsque, pendant l'hiver, elle emportait son maître sur son char d'écorce sans essieu et sans roues. Jamais ses pieds ne s'enfonçaient dans les frimas. Et, plus légère que la feuille de bouleau roulée par le vent, elle effleurait à peine la cime des neiges nouvellement tombées. Un combat violent s'engage entre les cavaliers sur les deux ailes des armées. Cependant, la masse effrayante de l'infanterie des barbares vient toujours roulant vers les légions. Les légions s'ouvrent, changent leur front de bataille, attaquent à grands coups de pique les deux côtés du triangle de l'ennemi. Les Vélites, les Grecs et les Gaulois se portent sur le troisième côté. Les Francs sont assiégés comme une vaste forteresse. La mêlée s'échauffe. Un tourbillon de poussière rougie s'élève et s'arrête au milieu des combattants. Le sang coule comme les torrents grossis par les pluies de l'hiver, comme les flots de l'Euripe dans le détroit de l'Eubée. Le Franc, fier de ses larges blessures, qui paraissent avec plus d'éclat sur la blancheur d'un corps demi-nu, est un spectre déchaîné du monument et rugissant au milieu des morts. Au brillant éclat des armes a succédé la sombre couleur de la poussière et du carnage. Les casques sont brisés, les panaches abattus, les boucliers fendus, les cuirasses percées. La laine enflammée de 100 000 combattants, le souffle épais des chevaux, la vapeur des sueurs et du sang forment, sur le champ de bataille, une espèce de météore que traverse de temps en temps la lueur d'un glaive, comme le trait brillant du foudre dans la livide clarté d'un orage. Au milieu des cris, des insultes, des menaces, du bruit des épées, des coups des javelots, du sifflement des flèches et des dards, du gémissement des machines de guerre, on n'entend plus la voix des chefs. Mérovée avait fait un massacre épouvantable des Romains. On le voyait debout sur un immense chariot, avec 12 compagnons d'armes, appelés ses 12 pères, qu'il surpassait de toute la tête. Au-dessus du chariot flottait une enseigne guerrière, surnommée l'Oriflamme. Le chariot, chargé d'horribles dépouilles, était traîné par 3 taureaux, dont les genoux dégouttaient de sang et dont les cornes portaient des lambeaux affreux. L'héritier de l'épée de Pharamond avait l'âge, la beauté et la fureur de ce démon de la Thrace, qui n'allume le feu de ses autels qu'au feu des villes embrasées. Les cheveux blonds du jeune Sicambre, ornés d'une couronne de lys, ressemblaient au lin moelleux et doré qu'une bandelette virginale rattache à la quenouille d'une reine des barbares. On eût dit que ses joues étaient peintes du vermillon de ces baies d'églantier qui brillent au milieu des neiges dans les forêts de la Germanie. Sa mère avait noué autour de son cou un collier de coquillages, comme les Gaulois suspendent des reliques aux rameaux du plus beau rejeton d'un bois sacré. Quand de sa main droite Mérovée, agitant un drapeau blanc, appelait les fiers Sicambres au champ de l'honneur, il ne pouvait s'empêcher de pousser des cris de guerre et d'amour. Il ne se lassait point d'admirer à leur tête 3 générations de héros, l'aïeul, le père et le fils. Mérovée, rassasié de meurtre, contemplait immobile, du haut de son char de victoire, les cadavres dont il avait jonché la plaine. Ainsi se repose un lion de Numidie, après avoir déchiré un troupeau de brebis. Sa faim est apaisée, sa poitrine exhale l'odeur du carnage. Il ouvre et ferme tour à tour sa gueule fatiguée qu'embarrassent des flocons de laine. Enfin, il se couche au milieu des agneaux égorgés. Sa crinière, humectée d'une rosée de sang, retombe des deux côtés de son cou. Il croise ses griffes puissantes. Il allonge la tête sur ses ongles et, les yeux à demi fermés, il lèche encore les molles toisons étendues autour de lui. Le chef des Gaulois aperçut Mérovée dans ce repos insultant et superbe. Sa fureur s'allume. Il s'avance vers le fils de Pharamond. Il lui crie d'un ton ironique « Chef à la longue chevelure !» Je vais t'asseoir autrement sur le trône d'Hercule le Gaulois. Jeune brave, tu mérites d'emporter la marque du fer au palais de Teutates. Je ne veux point te laisser languir dans une honteuse vieillesse. Qui es-tu ? répondit Mérovée avec un sourire amer. Es-tu d'une race noble et antique ? Esclave romain, ne crains-tu point m'afframer ? Je ne crains qu'une chose, répartit le Gaulois frémissant de courroux, c'est que le ciel tombe sur ma tête. Cède-moi la terre, dit l'orgueilleux Sicambre. La terre que je te céderai, s'écria le Gaulois, tu la garderas éternellement. À ces mots, Mérovée, s'appuyant sur sa framée, s'élance du char par-dessus les taureaux, tombe à leur tête et se présente aux Gaulois qui venaient à lui. Toute l'armée s'arrête pour regarder le combat des deux chefs. Le Gaulois fond l'épée à la main sur le jeune Franc, le presse, le frappe, le blesse à l'épaule et le contraint de reculer jusque sous les cornes des taureaux. Mérovée, à son tour, lance son angon qui, par ses deux fers recourbés, s'engage dans le bouclier du Gaulois. Au même instant, le fils de Clodion bondit comme un léopard, met le pied sur le javelot, le presse de son poids, le fait descendre vers la terre, et abaisse avec lui le bouclier de son ennemi. Ainsi forcé de se découvrir, l'infortuné Gaulois montre la tête. La hache de Mérovée part, siffle, vole et s'enfonce dans le front du Gaulois, comme la cognée d'un bûcheron dans la cime d'un pin. La tête du guerrier se partage, sa cervelle se répand des deux côtés, ses yeux roulent à terre. Son corps reste encore un moment debout, étendant des mains convulsives, objet d'épouvante et de pitié. À ce spectacle, les Gaulois poussent un cri de douleur. Leur chef était le dernier descendant de ce Vercingétorix qui balança si longtemps la fortune de Jules. Il semblait que par cette mort, l'empire des Gaules, en échappant aux Romains, passait aux Francs. Ceux-ci, pleins de joie, entourent Mérovée, l'élèvent sur un bouclier et le proclament roi avec ses pairs, comme le plus brave des Sicambres. L'épouvante commence à s'emparer des légions. Constance, qui, du milieu du corps de réserve, suivait de l'œil les mouvements des troupes, aperçoit le découragement des cohortes. Ils se tournent vers la légion chrétienne. « Braves soldats, la fortune de Rome est entre vos mains. Marchons à l'ennemi !» Aussitôt, les fidèles abaissent devant César leurs aigles, surmontés de l'étendard du salut. Victor commande. La légion s'ébranle et descend en silence de la colline. Chaque soldat porte sur son bouclier une croix entourée de ces mots. Tu vaincras par ce signe. Tous les centurions étaient des martyrs, couverts de cicatrices du fer et du feu. Que pouvait contre de tels hommes la crainte des blessures et de la mort ? Oh, touchante fidélité ! Ces guerriers allaient répandre pour leur prince les restes d'un sang dont ces princes avaient presque tari la source. Aucune frayeur, mais aussi aucune joie, ne paraissait sur le visage des héros chrétiens. Leur valeur tranquille était pareille à un lys sans tache. Lorsque la légion s'avança dans la plaine, les Francs se sentirent arrêtés au milieu de leur victoire. Ils ont conté qu'ils voyaient à la tête de cette légion une colonne de feu et de nuées, et un cavalier vêtu de blanc, armé d'une lance et d'un bouclier d'or. Les Romains qui fuyaient tournent le visage. L'espérance revient au cœur du plus faible et du moins courageux. Ainsi, après un orage de nuit, quand le soleil du matin paraît dans l'Orient, le laboureur, rassuré, admire l'astre qui répand un doux éclat sur la nature. Sous les lierres de la cabane antique, le jeune passereau pousse des cris de joie. Le vieillard vient s'asseoir sur le seuil de la porte. Il entend des bruits charmants au-dessus de sa tête, et il bénit l'Éternel. À l'approche des soldats du Christ, les barbares serrent leurs rangs, les Romains se rallient. Parvenus sur le champ de bataille, la légion s'arrête, met un genou en terre et reçoit de la main d'un ministre de paix la bénédiction du Dieu des armées. Constance lui-même ôte sa couronne de laurier et s'incline. La troupe sainte se relève et sans jeter ses javelots, elle marche, l'épée haute, à l'ennemi. Le combat recommence de toutes parts. la légion chrétienne ouvre une large brèche dans les rangs des barbares. Romains, Grecs et Gaulois, nous entrons tous à la suite de Victor dans l'enceinte des Francs rompus. Aux attaques d'une armée disciplinée succèdent des combats à la manière des héros d'Ilion. 1000 groupes de guerriers se heurtent, se choquent, se pressent, se repoussent. Partout règne la douleur, le désespoir, la fuite. Filles des Francs, c'est en vain que vous préparez le baume pour des plaies que vous ne pourrez guérir. L'un est frappé au cœur du fer d'une javeline, et sent s'échapper de ce cœur les images chères et sacrées de la patrie. L'autre a les deux bras brisés du coup d'une massue, et ne pressera plus sur son sein le fils qu'une épouse porte encore à la mamelle. Celui-ci regrette son palais, celui-là sa chaumière. Le premier ses plaisirs, le second ses douleurs, car l'homme s'attache à la vie par ses misères autant que par ses prospérités. Ici, environné de ses compagnons, un soldat païen expire en vomissant des imprécations contre César et contre les dieux. Là, un soldat chrétien meurt, isolé, d'une main retenant ses entrailles, de l'autre pressant un crucifix et priant Dieu pour son empereur. Les sicambres, tous frappés par devant et couchés sur le dos, conservaient dans la mort un air si farouche que le plus intrépide osait à peine les regarder.